C'est bon. Là, c'est un imposteur. Tu vois, parce qu'il a la même voix que moi. Bah ouais. Comme par hasard. Là, de toute manière, tu t'appelles pas Gérard. Toi, alors, toi qui es avec moi dans le studio, t'es qui? Moi, je suis ton vrai Gérard qui vient à la contour de toi. Tu vas voir demain, toi, si j'habite pas à Suresnes. T'habites où à Suresnes? Tu connais l'école Churassé? Ouais. Comme par hasard. Et t'appelles du côté de l'avenue Georges Pompidou? Non. Alors t'es pas le vrai, t'es pas le bon monsieur, t'es pas celui qui a l'habitude. Ouais, c'est ça, ouais. Arrête le ricard un peu là. C'est bon. C'est un faux. De quoi? C'est peut-être pas le vrai Gérard. Peut-être que le mec qu'on a au bout du fil, c'est peut-être le vrai Gérard. J'avais un doute. Heureusement, on a failli faire le con. Bah ouais. Dans ce cas-là, si tu veux jouer comme ça, on le dit carrément ce soir. Jeudi, tu le prends, il fait ses débats. Ouais, alors, toi qui es avec moi dans le studio, t'es qui? Non, mais attends, je suis vrai, d'accord. Là, c'est un imposteur. Vas-y, abruti, donne-le. 06 ouais. 87 82 hein 21 80. C'est simple, c'est clair et net, ça va aller vite. Allez, hop. Non mais attends, ouais, attends. Déjà pour l'instant, t'es en train de t'amuser sur mon dos. Déjà pour commencer. De quoi? Tu vas la perdre. Non, mais attends, je suis vrai, d'accord. Je te l'ai dit. Non, mais attends, je suis vrai, d'accord.